The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Cheek. La joue. Cover. La couverture. Makeup artist. La maquilleuse. Makeup. Le maquillage. To complain. Se plaindre. Insufferable. Insupportable. To give in. Céder. Whim. Le caprice. This close to. À deux doigts de. Diet. Light. Now, a bit faster. Diet. Light. Cover. La couverture. Makeup artist. La maquilleuse. This close to. À deux doigts de. To give in. Céder. Makeup. Le maquillage. This close to. À deux doigts de. Makeup. Le maquillage. To complain. Se plaindre. Cover. La couverture. To complain. Se plaindre. Whim. Le caprice. Cover. La couverture. Cheek. La joue. Makeup. Le maquillage. To complain. Se plaindre. Cover. La couverture. Makeup artist. La maquilleuse. Insufferable. Insupportable. Now, use the words in context. Le maquillage. She wears too much makeup. Elle met trop de maquillage. Se plaindre. She complains all the time. Elle se plaint tout le temps. Céder. She indulges all of her daughter's tantrums. Elle cède à tous les caprices de sa fille. À deux doigts de. I'm this close to breaking down. Je suis à deux doigts de faire une dépression. Se plaindre. She complains all the time. Elle se plaint tout le temps. À deux doigts de. I'm this close to breaking down. Je suis à deux doigts de faire une dépression.